voici Lisbeth, dit Hortense. Eh bien, cousine, comment va l'enfer de la rue Barbet? Mal pour vous, mes enfants. Ton mari, ma bonne Hortense, est plus ivre que jamais de cette femme, qui, j'en conviens, éprouve pour lui une passion folle. Votre père, chère Célestine, est d'un aveuglement royal. Ceci n'est rien. C'est ce que je vais observer tous les 15 jours, et vraiment, je suis heureuse de n'avoir jamais su ce qu'est un homme. C'est de vrais animaux. Dans 5 jours d'ici, Victorin et vous, chère petite, vous aurez perdu la fortune de votre père. Les bans sont publiés, dit Célestine. Oui, répondit Lisbeth. Je viens de plaider votre cause. J'ai dit à ce monstre, qui marche sur les traces de l'autre, que s'il voulait vous sortir de l'embarras où vous étiez, en libérant votre maison, vous en seriez reconnaissant, que vous recevriez votre belle-mère. Hortense fit un geste d'effroi. « Victorin avisera, » répondit Célestine froidement. « Savez-vous ce que monsieur le maire m'a répondu ? » reprit Lisbeth. « Je veux les laisser dans l'embarras. On ne dompte les chevaux que par la faim, le défaut de sommeil et le sucre. Le baron Hulot valait mieux que monsieur Crevel. Ainsi, mes pauvres enfants, faites votre deuil de la succession. Et quelle fortune ! Votre père a payé les 3 millions de la terre de Presles, et il lui reste 30 000 francs de rente. Oh, il n'a pas de secret pour moi. Il parle d'acheter l'hôtel de Navarreins, rue du Bac. Madame Marneffe possède, elle, 40 000 francs de rente. Ah, voilà notre ange gardien, voici ta mère, s'écria-t-elle en entendant le roulement d'une voiture.